sois bon, grand-père. On se crève au labeur, on saccage, on pille, on viole les femmes, et total, eh ben... Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces balivernes, Eric? Mais où on va avec tout ça, grand-père? T'as parlé à quelqu'un, toi? J'ai vu cette fille. Les bonnes femmes. C'est toujours les bonnes femmes qui nous collent des tas de problèmes.